Sa mère lui disait que ce monde est pour les riches, que ma foi sans argent n'était pas bénéfique. Moi, prophète chantant les vers à l'éternel, je n'étais pas pour elle un espoir éternel. Elle m'a juré une cabane au bord d'un lac, dans les bois de la Suisse, loin de tout ce fracas. Elle s'est éloignée sans entendre mes cris, mes appels affligés, perdus dans chaque nuit. Elle ne répondit, ne parla jamais plus. J'ai craint qu'elle fuyait l'Éden de notre vertu. Pour les ronces d'or que sa mère exaltait, l'épine des fortunes qu'on aime et qu'on hait. J'ai osé appeler la mère impitoyable pour demander ce qu'elle savait de mon âme. Elle m'a dit, elle ne veut plus te voir. Ma voix en sanglots s'effondra dans le noir. Je fuyais son piège, son poison. Nos liens se brisèrent sous sa malédiction. Je connus la mort et son âpre agonie. J'appris à mourir seul, sans larmes, sans famille. J'ai osé appeler la mère impitoyable pour demander ce qu'elle savait de mon âme. Elle m'a dit, elle ne veut plus te voir. Ma voix en sanglots s'effondra dans le noir. Honte, je fuyais son piège, son poison. Nos liens se brisèrent sous sa malédiction. Je connus la mort et son âpre agonie. J'appris à mourir seul, sans larmes, sans famille.